un individu a ouvert le feu ce midi en plein centre-ville à Liège. Five people were killed when a man threw grenades and opened fire on Christmas shoppers in the Belgian city of Liège. Sayın seyirciler, Belçika terörün korkunç yüzünü gördü. Se encontrado el cadáver de una mujer. Se cree que la mató y después se fue a la plaza San Lambert. Der Anschlag ereignete sich am Dienstag im Zentrum der belgischen Stadt Lüttich. رصاص مسلح أطلق النار عشوائيا في أكبر ساحات في مدينة ليج ببلجيكا. Voilà, ça a fait un peu penser au moment à ce qui s'est passé en Norvège. A killer who had no compunction about mowing down with automatic weapons women, children, anyone who was in front of him throwing grenades at them. They don't understand that. Le 7 décembre, je manifestais qu'on avance tous ensemble. 6 jours après, le cœur de ma cité se vide de son sang. 13 du 12 2011 à midi 30 dans le centre. Un forcené ouvre le feu sur femmes et enfants, sur tout ce qui bouge, sur des centaines d'innocents. Et j'ai besoin de préciser que ma tristesse est immense. J'invite le monde entier à une mesure de silence. Chut. Évidemment, ça me concerne quand la folie cerne ma ville. Et ça me rappelle cette conversation avec ma mère qui m'a dit: mon fils, il n'y a que la lâcheté qui se suicide, qui tue. Et tout s'achète, y compris la justice. Au nom de Gabriel Leblond, d'Antoniette Taracano, Mehdi, Nathan Bellacci, Claudette de Remier, Pierre Gérouville. Que personne ne les oublie, que toutes les victimes de ce 13 du 12 reposent en paix. Alors en ce moment même, le roi, la reine, le premier ministre et le dieu Poupon et la ministre de l'Intérieur sont en réunion de crise au palais de justice. S'est déclenché, tout le monde est parti en courant dans tous les sens. Il y a du sol ici, là, je vois. C'est la panique. En hommage à Laurent Crémer qui a rejoint les cieux pour tous les blessés, Jean-Michel Hardy, Lionel de Pierreux, Martha Simon, Elisabeth Talleux, pour tous ceux traumatisés qui étaient présents sur les lieux. Et j'ai beaucoup de mal à définir ce que je ressens, tout comme c'est difficile de rester debout quand la terre tremble. J'invite le monde entier à une mesure de silence. Chut. Évidemment, ça me concerne, j'aurais pu perdre la vie ce mardi 13 du 12 sous les coups de feu d'Amrani. Et quand la science se vantera qu'on n'arrête pas le progrès, je lui dirai que l'humanité est loin de son apogée. Les fusillades en Allemagne, en Amérique, dans les collèges, les attentats, la prise d'assaut de Breivik en Norvège. Toute cette tragédie nous prouve que ça n'arrive pas qu'aux autres. Je serais peut-être parti avant que t'écoutes ce morceau et que toute la population se remette en question. Là où Daniel Renders n'apporte pas de réponse, qu'un effectif c'est l'enfer, j'ai vu trop de civils qu'on enterre. Que toutes les victimes de la place Saint-Lambert reposent en paix. Que toute la population se remette en question. Là où la justice n'apporte pas de réponse, qu'un effectif c'est l'enfer, j'ai vu trop de civils qu'on enterre. Que toutes les victimes de ce 13 du 12 reposent en paix.